en début de soirée. Merci d'écouter Espace au pied du château de Gaillon. Il est 18h. Tout de suite, un nouveau point d'actualité nationale et internationale. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. La traque est lancée depuis hier soir. L'auteur de la fusillade qui a fait 3 morts et 12 blessés dans le centre-ville de Strasbourg est toujours activement recherché par les forces de sécurité aujourd'hui. Selon le ministère de l'Intérieur, Christophe Castaner, 720 personnes sont mobilisées. Le gouvernement a décidé de placer la France en urgence attentat. 4 proches du tireur présumé ont été placés en garde à vue, a indiqué le procureur de Paris à la mi-journée. Et après la fusillade à Strasbourg, plusieurs personnalités politiques appellent les Gilets jaunes à suspendre le mouvement. Le secrétaire d'État à l'Intérieur, Laurent Nunez, en a appelé à la responsabilité générale en disant espérer qu'il y aura moins de manifestations de Gilets jaunes samedi en France. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a également estimé que le mouvement des Gilets jaunes devait cesser. Une sortie qui a notamment fait réagir Clémentine Autain, députée La France Insoumise, qui accuse la ministre de la Justice d'instrumentalisation. Gérard Filoche, jugé pour un tweet au relent antisémite, représentant notamment Emmanuel Macron, qui lui avait valu d'être mis au banc du Parti Socialiste en novembre 2017, a été relaxé aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Paris. Il était poursuivi pour provocation publique à la haine ou à la violence pour avoir tweeté le 17 novembre 2017 un photomontage diffusé pour la première fois en février de la même année sur le site de l'essayiste d'extrême droite Alain Soral. Le groupe Total fait un geste pour ses salariés. Son PDG Patrick Pouyanné a annoncé une prime exceptionnelle de 1 500 € à tous ses employés en France et va proposer une augmentation de 3,1% aux organisations syndicales. Sur les 31 500 salariés du groupe, environ 20 000 personnes pourraient bénéficier de cette prime, soit un coût total pour l'entreprise d'environ 30 millions d'euros. Le pape a écarté deux cardinaux de son cercle de proches conseillers. Le premier est poursuivi en Australie pour agression sexuelle contre des enfants. Le second est soupçonné d'avoir passé sous silence au Chili les agissements d'un prêtre pédophile. Les deux hauts prélats faisaient partie d'un conseil de 9 cardinaux conseillers de tous les continents chargés d'aider le pape François à réformer l'administration du Saint-Siège. Enfin, c'est maintenant ou jamais, Lyon joue son avenir en Ligue des Champions ce soir face au Shakhtar Donetsk dans un dernier match de groupe délocalisé à Kiev. Un nul est synonyme de 8e de finale. Sur la plus normande des radios, Ludo, 17h-19h. Dans les prochaines minutes, The Prince Karma avec Later Beaches, mais tout de suite David Guetta avec un Say My Name. L'After School d'Espace. You've been dressing up the truth, I've been dressing up for you. Then you leave me in this room, pour a glass and bite my tongue. You say I'm the only one, if it's true then Cuando solo dónde.

Pour les fêtes, envie de produits 100% locaux dans vos assiettes et sous le sapin? Rendez-vous au marché fermier de Noël à Évreux. Plus de 30 producteurs locaux vous attendent à l'hôtel du département de l'Eure à Évreux du jeudi 13 au dimanche 16 décembre. Ouvert de 10h à 18h30. Une manifestation organisée par le département de l'Eure et la Chambre d'agriculture. Entrée gratuite. Dimanche, c'est champagne! Tu fais une fête? À Intermarché! Quoi? Oui, je vais à Intermarché Ponto de Mer ce dimanche 16 décembre. Ils offrent une bouteille de champagne par tranche de 100 euros d'achat. Ah! Et du 14 au 16 décembre, il y a moins 50% sur les jouets. Conditions dans votre Intermarché Ponto de Mer, ouvert tous les dimanches de décembre. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Boucherie charcuterie de Landelle à Charleval, le goût de la Normandie dans vos assiettes. Nous travaillons avec des producteurs locaux de Neuchâtel-en-Bray, Formerie ou encore Beauvoir-en-Lyons. Dégustez notre porc au lin, vous allez vous régaler. Préparez vos événements, nous faisons traiteur avec des produits de qualité et à petit prix toutes les deux semaines. Retrouvez-nous aussi sur le marché de Fleury sur Andelle. Boucherie charcuterie la Landelle à Charleval. 02 77 13 17 59 89 Grande Rue. Cette année avec Volvo, c'est Noël suédois avant l'heure. Jusqu'au 31 décembre, la Volvo V40 suréquipée est à 295 euros par mois sans apport. Location longue durée 48 mois pour une V40 signature édition 9, 40 000 km, entretien et garantie offert. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 décembre 2018 et accord Volvo Car Finance. Détails sur volvocars.fr. Volvo, JFC Normandie, rond-point de KR à Normanville. T'habites Évreux ou à côté? Et t'en as marre d'être à sec d'idées? Pour tous tes loisirs, c'est au comptoir que ça se passe. On va te donner des idées pour échapper à la routine. Pour donner la banane à tes gamins. Des endroits sympas pour te donner la pêche. Si tu veux que ça bouge, Caroline, Serge, Myriam et Clotilde t'attendent au comptoir. Nouvel office de tourisme d'Évreux, 11 rue de la Harpe, Évreux. 02 32 24 04 43. Au comptoir, l'abus d'émotion est excellent pour la santé. Funky Mix. Ce soir, 21h-23h. C'est Funky Mix, l'émission numéro 1 sur le funk. Sur Espace, c'est Noël à Gournay-en-Bray. Oh, oh, oh. Rendez-vous les 14, 15 et 16 décembre pour 3 jours d'animation enchantée. Vendredi 17h, spectacle de magie gratuit. 18h, retraite au flambeau et balade moto. 19h, inauguration du 3e marché de Noël. Samedi 14h30, départ de la parade de Noël dans les centres-villes. Et 16h, live radio avec Espace. 18h, Zumba party avec Vivre l'Expression. 19h, soirée tartiflette avec animation Espace. Dimanche 10h, balade en poney. 14h30, démo Vivre l'Expression. 16h30, remise de cadeaux de Noël suite concours de dessin. Présence de mascottes et Père Noël dans le marché. Un vrai programme de fête à Gournay. Maintenant, Espace Vexin, Pays de Bray, 101.3. Priorité au tube. We don't wanna believe it, that it's all gone. Just a matter of minutes before the sun goes down. We're afraid to admit it, but I know you know that we should've known better, but kept on trying. And it's time that we see it, the fire's dying out. Can't believe that I see this, we're out of chances now. And I just want you to know that you and me, it was good, but it wasn't right. And it'll be hard, but I know I will make it out. Step by step, I move on and get on with life. So I let go and I hope you'll be happy now. You and me, it was good, but it wasn't right. And it'll be hard, but I know I will make it out. Step by step, I move on.

Bonne soirée en Normandie, Picardie, 18h20, tout de suite Dorian, la sélection Espace. Tout de suite, le retour des sons et des tubes sur Espace. Bonsoir la compagnie, c'est mercredi le 12 décembre et comme tous les soirs, on est reparti pour une nouvelle sélection Espace avec ce soir à Rouen dès 18h à la bibliothèque Simone de Beauvoir, la rencontre avec Jacqueline Costa-Lascoux. On se dirige ensuite à la maison de l'université pour un atelier La Règle dans le dessin et au musée des Beaux-Arts dès 19h des cours de dessin, c'est plutôt raccord. Et enfin à 20h au théâtre à l'Ouest, le spectacle Je t'aime à l'italienne à ne surtout pas louper. Vous le savez, l'opération Rouen-Givré se poursuit jusqu'au 6 janvier dans la rue des Carmes et sur la place de la cathédrale pour le marché de Noël, mais également place du Vieux Marché pour la Grande Roue et la patinoire en plein air, et sur la place de la Grand-Mare pour la Grande Maison du Père Noël. Au Zénith de Rouen, ce vendredi 14 décembre, la tournée triomphale Star 80 avec vos plus grandes stars de ces années-là, et puis à Honfleur jusqu'à dimanche, la foire Sainte-Catherine sur le parking du bassin du centre, et le concert de Noël avec la chorale Scamel Villa, c'est dimanche à 16h à l'église Saint-Léonard, sans oublier le marché de Noël de Gournay-en-Bray vendredi, samedi et dimanche. Passez une très belle soirée avec nous sur Espace. Espace Radio. I'm falling for every sign, calling out for you, calling out for me, chasing the sounds till I have you by my side, calling out for you, calling out for me, till we rewind. You'll be my sad song, got you on repeat, play my sad song into the night. Be my sad song, hard is to believe that my sad song's all that reminds. You got me on the line. Some say love never dies, but a bullet went into me and I lost every fight. One more drink for the ride, put me out of my misery and I'll fall to the fire. Cause I'm falling for every sign, calling out for you, calling out for me, chasing the sounds till I have you by my side. Calling out for you, calling out for me, till we rewind. You'll be my sad song, got you on repeat, play my sad song into the night. You'll be my sad song, hard is to believe that my sad song's all that reminds. You got me on the line. Okay, if I believe it, cause everywhere I go, somehow you're close to me. You'll be my sad song, got you on repeat, play my sad song into the night. You'll be my sad song, hard is to believe that my sad song's all that reminds. Merci de nous écouter chaque semaine par dizaines de milliers en Normandie, Picardie, mais également sur une partie de l'île de France. Mais aussi via le web, évidemment, www.espace.fm, mais aussi les box Orange. À l'instant, Julian Peretta avec On The Line. Bonne soirée, 18h24, maintenant 6 minutes de son 80 en mode funk et mix. Ludo. Ludo. Ludo on the radio. Espace. Espace. Funky. Funky mix. Funky mix. Back in time. Back in time. Funky Mix. Listen to the best. Funky Mix. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life, yeah. 'Cause I was sitting there bored to death, and in just one breath he said, you gotta get up, you gotta get off, you gotta get down, girl. You know you drive me crazy, baby. You've got to turn into another man. Called you on the phone, no one's home. Baby, why leave me all alone? And if it wasn't for the music, I don't know what I'd do. Yeah. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life from a broken heart. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life with a song. Into my car, didn't get very far, no. Before I had you on my mind, why be so unkind? You got your women all around this town. But I was trapped in love with you, and I didn't know what to do. Turned on my radio, I found out all I needed to know. Check it out. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life from a broken heart. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life with a song. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life from a broken heart. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life with a song. Hey, listen up to your local DJ. You better hear what he's got to say. It's not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain. Yes, yes, Indeep, énorme standard 80 avec Last Night DJ Save My Life. Passez une bonne soirée malgré l'actualité du moment. 18h30, tout de suite un point d'actu local et régional. Espace. Espace. L'info régionale, Normandie-Picardie. Malgré les annonces d'Emmanuel Macron sur le pouvoir d'achat, des gilets jaunes sont toujours présents en Seine-Maritime, dans le Calvados et dans l'Eure. Par ailleurs, Guy Lefranc, le maire Les Républicains d'Évreux, a écopé ce mercredi d'un rappel à la loi après ses propos encourageant les gilets jaunes à bloquer la préfecture de l'Eure. Des propos tenus fin novembre et qui avaient été filmés et postés sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué, Guy Lefranc plaide le malentendu et refuse de signer ce rappel à la loi qui s'apparente pour lui à un abus de droit qui vise à restreindre la liberté d'expression d'un élu du peuple. Des avocats venus du Havre, d'Évreux et de Dieppe ont rejoint ceux de Rouen pour contester le projet de loi de réforme de la justice. En tout, plus de 250 robes noires présentes aujourd'hui. Les avocats de Beauvais ont renouvelé, eux, leur grève des plaidoiries. Certains sont allés manifester à Lille et à Paris. Ce mercredi, des élèves des lycées Claude Monet Port-Océane ou encore Schumann au Havre étaient toujours mobilisés contre la réforme du baccalauréat et de la plateforme Parcoursup. Sous la forme d'un sit-in, une cinquantaine de manifestants se sont réunis ce matin dans les couloirs de l'ancienne unité de chirurgie ambulatoire de l'établissement hospitalier de Bernay pour s'opposer à l'implantation du nouveau centre périnatal de proximité destiné à remplacer à terme la maternité. L'unité qui doit fermer en février prochain a enregistré cette année déjà plus de 300 naissances. L'intersyndicale Fronerie à Beauvais a obtenu des indemnités supralégales pour les 317 salariés. Le site spécialisé dans les glaces, qui appartient en partie à Nestlé, doit fermer à la mi-mars. Des primes entre 20 000 et 75 000 euros en plus des primes conventionnelles vont être versées. Des retraites anticipées devraient être proposées et des intérimaires pourraient se voir proposer du travail dans d'autres entreprises du Beauvaisis. Lundi, 5 personnes ont été placées en garde à vue dans une enquête de stupéfiants. Une ferme de Cuigy-en-Bray dans l'Oise servait de plantation de cannabis. Près de 1000 plants y ont été découverts par les policiers qui ont aussi retrouvé des armes de guerre et 1 million d'euros en liquide dans différentes perquisitions, notamment à Paris. Et puis plus léger à présent, c'est bientôt Noël, vous le savez, et à la tombée de la nuit, ça scintille dans les rues et sur les maisons, Solène Duloup. Dans l'heure, plusieurs maisons sont connues pour offrir aux passants un véritable spectacle. Décors, automates, guirlandes lumineuses sont installés chez Maurice et Paulette Dunay à Saint-Germain-Village. Ce couple de retraités transforme l'extérieur de sa maison et son jardin en parc à thème sur Noël. Tous les ans, on en rajoute. Puis bon, bah, comme on ne remet pas exactement dans nos emplacements, n'importe quoi, alors ils disent, tiens, ça, vous ne l'avez pas. Dernière, bah si, ça fait déjà 4 ans que ça y est déjà, tout ça. Parce que comme on modifie, puis il y a tellement de choses à voir que, fortement, les gens ils viennent au moins 3-4 fois pour bien voir tout, quoi. Le samedi, le dimanche, devant la maison, je me mets en Père Noël et tout ça pour recevoir les enfants et tout. Vous recevez leur courrier aussi ? Aussi, on répond au courrier aussi, ouais. Les décors, c'est le choix de Paulette, maison du Père Noël avec ses rennes, sapins clignotants et champignons lumineux. C'est ma femme qui décide de les couleurs, donc ça dépend les endroits. Si c'est vers les igloos, le froid, des nounours, on met plus du bleu, hein, et ainsi de suite. Pour l'installation des décors, c'est Maurice qui s'y colle avec un précieux soutien. Pour installer, il faut un mois et demi, hein. J'ai un petit-fils qui vient me donner un coup de main, là. Un petit fils qui a 28 ans, quoi. Il s'agit d'un investissement personnel, mais aussi financier. Tous les ans, on doit bien dépenser, moi, je sais pas, moi, entre 400 et 600 euros tous les ans, quoi. Les illuminations chez Maurice et Paulette Dunay à Saint-Germain-Village sont visibles jusqu'à début janvier. Un reportage de Solène Duloup. Et puis, je vous retrouve dans un instant pour faire le point sur les prévisions météo pour ce jeudi. Vent, pluie, soleil, brouillard, froid, quel que soit le temps, votre confort, c'est JV Service. La météo en Normandie, avec Jean Vasseur et toute l'équipe JV Service. Pour demain, côté météo, il faudra se réchauffer aux quelques rayons de soleil disponibles. 1 degré sur Songeon, 2 degrés sur Beauvais, Gournay ou encore Forges-les-Eaux. 2 degrés également sur Le Neubourg, Bernay, Le Vexin Normand et Évreux. 3 degrés à Vernon, Rouen et 4 degrés à Pont-Audemer dans l'après-midi. Plomberie, chauffage, dépannage, installation, JV Service Louviers, 21 boulevard Joffre, 02 32 59 73 20. JV Service Rouen, numéro Azur, 0821 020 028. Température moyenne autour de 2 degrés à l'heure où je vous parle. Indice de l'air, j'ai 4 partout, sauf au-dessus de Rouen et du Havre, j'ai 5 sur 10. Veuillez ralentir, on attaque cette nouvelle demi-heure avec un Benny Blanco. If I don't know how to move, I cannot say what I believe in. If I only believe in you, I travel many roads, and I know what road to choose. Now my world is never changing. There's anything I can do, 'cause I found you. I found you, 'cause I found you. I found you, 'cause I found you. I

Feder à l'instant et Control sur Espace en Normandie, Picardie. Bonne soirée avant 19h dans la catégorie des sons que vous choisissez totalement librement depuis la rentrée de septembre. On l'a écouté hier soir avant 18h, mais celui-ci a été effectivement un énorme carton en 2001. On écoutera ça. Bonne soirée à Rouen, comme partout en Normandie Picardie, 18h54, la Proc TD. L'Immobilière Normande, groupe de 8 agences, 20 conseillers pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90 vous présente votre programme TV. Salut à tous, nous sommes le mercredi 12 décembre. Ce soir sur TF1, le docteur Mamour est en prime, hein, mais il ne joue pas le docteur Mamour, les filles, vous le savez. Il joue dans La Vérité sur l'affaire Harry Kéber. Hein. Mais je sais que vous le kiffez quand même, même sans sa blouse blanche. Et après, on dit que ce sont les garçons qui ne pensent qu'à ça, bande de coquines. France 2, la soirée Mystère A avec que des rodifs. Mystère au Louvre et Mystère à l'Opéra en seconde partie de soirée. France 3, le festin de Julie à Chambord. Et qu'est-ce que c'est-il donc, à votre avis? C'est notre copine Julie Andrieux, la spécialiste de la bouffe sur la chaîne. Généralement, ses émissions sont plutôt très sympas. Nous partons dans le Loir-et-Cher et on va parler de gastronomie en 1519. Canal, la Gaule d'Antoine, nous sommes ce soir en balade à travers la France et Antoine Decaune est en région Bourgogne-Franche-Comté. Arte, les temps qui changent, c'est un film avec Gérard Depardieu qui, à l'époque, était bien plus maigre. Hein. Bon, c'est un film d'André Téchinet et de Catherine Deneuve. Le film date de 2004. Comme quoi, tu peux devenir Obélix rapidement. M6, Stéphane Plaza, maison à vendre toute la soirée avec uniquement des rodifs. Le meilleur de la TNT, C8, mon ami Carole Rousseau est de retour à la télévision. Oh ma Carole, I love you, ti amo. Ich liebe dich, viens là que je te jette sur la table et que je t'honore. La planète est-elle vraiment foutue? Telle est la question. W9, catastrophe du cas en 2000, est-ce que s'est-il vraiment passé? TMC Burger Quiz avec des inédits. Mais comme il n'y a plus Alain Chabat, je ne regarde plus, je trouve que ça manque de cachet. Voilà, c'est terminé, on se retrouve demain à la même heure et bonne soirée télé. C'était votre programme TV avec l'Immobilière Normande, groupe de 8 agences pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90. Et maintenant, écoutez un titre que vous n'entendez jamais sur Espace. Jamais. Ça va vous surprendre. Mais Ludo est assez fou pour vous le diffuser. Dorian 19h, Manu pour Funky Mix à partir de 21h. Moi, je vous file en quart demain dès 17h. Passez une très belle soirée. Ouais, c'est un mot qu'on dirait dans tes poux. Quand t'es dansé, qu'elle met son corps un jour. Tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Et celui qui lui jettera la première pierre, celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Ô Lucifer, ô laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Est-ce le diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel, qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel? Elle porte en elle le péché. Laisse-moi rien qu'une fois pousser la porte du jardin d'Esmeralda. demoiselle serait elle encore plus saine. Quand ses mouvements me font voir monts et merveilles, sous son jupon aux couleurs de l'arc-en-ciel. Recueillir la fleur d'amour de Smeralda. La compagnie, bonsoir, soyez les bienvenus sur Espace en Normandie, en Picardie. Nous sommes le mercredi 12 décembre, il est 19h, les infos. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. Le marché de Noël de Strasbourg restera fermé demain au surlendemain de l'attaque qui a fait deux morts, un blessé en état de mort cérébrale et 12 autres blessés, a annoncé la ville dans un communiqué. En revanche, l'ensemble des équipements culturels et sportifs de la ville rouvriront normalement, tout comme les écoles maternelles et primaires, les accueils de loisirs et les structures de petite enfance, a précisé la ville de Strasbourg. Le préfet souhaite qu'on garde le marché fermé encore 24 heures de plus, les conditions de sécurité n'étant pas réunies puisque l'auteur de la fusillade n'a toujours pas été retrouvé. Ils emboîtent le pas de la contestation. La principale coordination des intermittents a annoncé qu'elle rejoignait les Gilets jaunes pour davantage de justice sociale et fiscale. La CGT Spectacle a de son côté déposé hier un préavis de grève illimité à compter du 18 décembre. Le syndicat a plusieurs revendications. Il réclame notamment une augmentation des salaires, l'amélioration ou à minima le maintien des droits à l'assurance chômage et le droit à la formation professionnelle permettant notamment la reconversion professionnelle. La Cour de cassation a annulé aujourd'hui la condamnation de Cédric Héroux et d'un autre militant de la Vallée de la Roya, condamné en appel pour avoir porté assistance à des migrants. Une première décision depuis la consécration du principe de la fraternité dans la loi française. La plus haute juridiction de l'ordre judiciaire a renvoyé les deux militants condamnés à Aix-en-Provence devant la cour d'appel de Lyon pour qu'ils y soient à nouveau jugés. Anne Rigaille, jusqu'ici directrice générale adjointe d'Air France, a été promue directrice générale de la compagnie aérienne. Elle prendra ses nouvelles fonctions le 17 décembre, a précisé l'entreprise dans un communiqué publié aujourd'hui. Elle remplacera Benjamin Smith qui avait assuré l'intérim en plus de ses fonctions à la tête du groupe Air France KLM après le départ en septembre dernier du directeur général Franck Terner. Enfin, à la demande de la préfecture du Calvados, la rencontre entre le stade Malherbe-Camp et le Toulouse FC comptant pour la 18e journée de Ligue 1 et initialement programmée samedi à 20h est reportée en raison de l'actualité et de l'affectation des forces de l'ordre sur d'autres missions. Deux autres rencontres ont déjà été reportées, Nantes-Montpellier et Nice-Saint-Etienne. Une quatrième pourrait être dans ce cas, étant donné que la préfecture des Bouches-du-Rhône a demandé le report de Marseille-Bordeaux. Sur la plus normande des radios. Et malgré l'actualité tragique, on essaye de se détendre tous ensemble dans l'afterwork. Espace, plus de son, plus de tubes. 12e case du calendrier de l'Avent et l'afterwork débute avec Sound of Legend, All That Sucker Done. Passez une bonne soirée. We'll be right back.

is a short trip, the music's for the sad man. Qualité avant quantité, une vie sans galère c'est compliqué. On est identique, c'est notre identité. Notre âme est seule dans une immensité. Je ne comprends pas, mais je ne me contente pas de ce que je vois. Yeah. Forever young, I wanna be forever young. Do you really want to live forever, forever and ever? Laisse-moi te parler de ma vie en dents de scie. Je ne différencie pas l'amour à la vie. Sentir le bonheur, ça n'a pas de prix. Yeah. Donc laisse-nous ici, laisse-nous vivre. On ne veut plus perdre de temps. Ouais, faire les choses, ouais, comme on le sent. Je me sens libre, jeune et fou, je le suis. On traîne dans la vie, on se raconte en nos vies. S'imaginons riches mains dans nos poches vides. On rêve le jour et on vit la nuit. Yeah. On ne veut plus perdre de temps. Non, non, non, faire les choses sans permission. Comme on le sent, on ne veut plus perdre de temps. Non, non, non, ça passe vite. Et pourtant, forever young, I wanna be forever young. Do you really want to live forever, forever? Superbe reprise du tube original d'Alphaville, c'était Boosty Forever Young sur Espace en Normandie, en Picardie, dans l'afterwork du mercredi soir. Soyez prudents sur les routes, bon courage à ceux qui taffent évidemment. Et puis vous avez rendez-vous samedi dès 20h à la collégiale Saint-Hildevert de Gournay-en-Bray pour un concert de Christmas Carols avec les chœurs du Pays de Bray. On vous y attend évidemment nombreux. En parlant de Noël, J-12, on ouvre aujourd'hui la 12e case du calendrier de l'Avent et chante Noël, comme d'hab, pour se mettre dans l'ambiance. C'est Mélodie, ça sent le sapin et le Père Noël. Qu'est-ce qu'on aime ça? 19h18, notre sélection du jour. Tout de suite, le retour des sons et des tubes sur Espace. Bonsoir la compagnie, c'est mercredi le 12 décembre et comme tous les soirs, on est reparti pour une nouvelle sélection Espace avec ce soir à Rouen dès 18h à la bibliothèque Simone de Beauvoir, la rencontre avec Jacqueline Costa-Lascoux. On se dirige ensuite à la maison de l'université pour un atelier La règle dans le dessin et au musée des Beaux-Arts dès 19h des cours de dessin, c'est plutôt raccord. Et enfin à 20h au théâtre à l'Ouest, le spectacle Je t'aime à l'italienne à ne surtout pas louper. Vous le savez, l'opération Rouen-Givré se poursuit jusqu'au 6 janvier dans la rue des Carmes et sur la place de la cathédrale pour le marché de Noël, mais également place du Vieux Marché pour la Grande Roue et la patinoire en plein air, et sur la place de la Grand-Mare pour la Grande Maison du Père Noël. Au Zénith de Rouen, ce vendredi 14 décembre, la tournée triomphale Star 80 avec vos plus grandes stars de ces années-là, et puis à Honfleur jusqu'à dimanche, la foire Sainte-Catherine sur le parking du bassin du centre, et le concert de Noël avec la chorale Scamel Villa, c'est dimanche à 16h à l'église Saint-Léonard, sans oublier le marché de Noël de Gournay-en-Bray, vendredi, samedi et dimanche. Passez une très belle soirée avec nous sur Espace. Espace Radio. Falling into you, baby. Even electricity can't compare to what I feel when I'm with you. Oh baby, giving up my ghost for you. Now I'm see through you, give me a is you lately. Semaine maintenant dans la prog espace, FDV et Jack Till the Sun Comes Up, tout juste 19h26. Passez une très belle soirée. Ça se passe uniquement sur espace. Écoutez aujourd'hui ce qu'il s'est passé hier. Espace. Et on va passer en mode souvenir comme d'habitude à cette heure-ci avec ce soir Serena et Umberto Tozzi pour Toi Tout. Le temps de vous rappeler que vous pouvez nous laisser vos messages au 0 950 35 50 50, et le Père Noël Espace est de retour pour vous offrir plein de cadeaux, notamment dans l'After School. Passez une bonne soirée, soyez prudents sur les routes. Qui vient tout contre moi quand la vie me désavoue? Ta douceur et ta joie, j'en ai gardé le goût. Ton sourire brûle en moi comme le soleil sur ma joue. Il n'y a rien de plus doux, pour toi je suis prête à tout. Quand tu as une médaille, un lavoro strano et tout, ma va là, que lo sai. Vista da vicino tu, sei più bella che mai,

Lundi, 5 personnes ont été placées en garde à vue dans une enquête de stupéfiants. Une ferme de Cuigy-en-Bray dans l'Oise a servi de plantation de cannabis. Près de 1000 plants y ont été découverts par les policiers qui ont aussi retrouvé des armes de guerre et 1 million d'euros en liquide dans différentes perquisitions, notamment à Paris. Et puis la lutte contre l'homophobie recherche des bénévoles dans l'Eure. Le reportage de Solène Dulou. SOS Homophobie Normandie, association de lutte contre les discriminations envers les personnes LGBT, lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, est déjà bien implantée à Rouen. En revanche, il n'existe pas d'association LGBT dans l'Eure. Alors Frédéric Lefebvre-Hautemer, co-délégué dans la région, recherche des bénévoles pour combler ce vide. Car les LGBT existent aussi en milieu rural. Il est beaucoup plus compliqué d'être aujourd'hui en couple dans un petit village que de se fondre un peu dans l'anonymat quand on habite Rouen, Évreux. SOS Homophobie tient une ligne d'écoute anonyme pour recueillir les témoignages de LGBT victimes d'homophobie. Les bénévoles interviennent aussi dans les lycées et dans les classes de 4e et 3e. La première injure en milieu scolaire, elle tient en deux consonnes. Et nous, on refuse la banalisation d'injures homophobes. On est persuadé qu'il va falloir effectivement faire cette pédagogie pour arriver à évoquer à la fois l'homosexualité et l'homophobie. Et ça, c'est en accompagnement avec l'équipe éducatrice. Les bénévoles discutent de commentaires laissés sur des papiers anonymement. J'ai vu, si j'avais un enfant qui soit gay, je le tuerais. Et d'autres dire, mais il n'y a pas de souci, je veux dire, il est comme moi. Ces interventions en milieu scolaire intéressent notamment l'intercommunalité, incluant Louviers et Val-de-Reuil. La communauté d'agglo Seine-Eure nous a proposé un calendrier. On va s'efforcer d'y répondre, parce qu'aujourd'hui, on est tout même en grand déficit de bénévoles. Pour devenir bénévole, rendez-vous sur la page Facebook d'SOS Homophobie Normandie. Vent, pluie, soleil, brouillard, froid, quel que soit le temps, votre confort, c'est JV Service. La météo en Normandie avec Jean Vasseur et toute l'équipe JV Service. Pour demain, côté météo, il faudra se réchauffer aux quelques rayons de soleil disponibles. 1 degré sur Songeon, 2 degrés sur Beauvais, Gournay ou encore Forges-les-Eaux. 2 degrés également sur Le Neubourg, Bernay, Le Vexin Normand et Évreux. 3 degrés à Vernon, Rouen et 4 degrés à Pont-de-Mer dans l'après-midi. Plomberie, chauffage, dépannage, installation, JV Service Louviers, 21 boulevard Joffre, 02 32 59 73 20. JV Service Rouen, numéro Azur, 0821 020 028. Ouglagla, il va faire froid demain et à mon avis, on va tous être avec nos couettes dans la rue. C'est un concept, hein. Merci Eric, à tout à l'heure, 19h34, nouvelle demi-heure avec Martin Griggs, c'est Dreamer. Freedom, and that's everything to me. It don't matter, but I've got a way I go. I find shelter a million miles from home. It ain't easy to keep going when it's hard. Keep shining in the dark when you wanna fall apart. But I'm a dreamer, so don't tell me not to dream. I'm a believer. As long as I got something to believe in. As long as I got something to believe in. As long as I got something to believe in. As long as I got something to believe in. Yeah.

Now I'm trying to find the words to put things in reverse. If you could see what I see, you could. Then you know just what you are. You're everything I want. You're everything that I want. Baby, go talk the way you're not supposed to. Your body can do the rest. You know it. And if you need a little mind vacation, press your cheek against my chest. When I'm with you, I lose control. To try to catch my breath, my mind is in a mess. You should be on top of this, but you got me on the run. Now I'm tripping on your love. De la prog dans l'afterwork, Feder et Brisvine Control sur Espace. Passez une bonne soirée, bon retour chez vous. Et notez que Cédric sera en direct vendredi matin dans le Morning Light pour une émission exceptionnelle animée par les collégiens. J'ai hâte d'entendre ça, ça s'annonce énorme. Moi j'aurai la chance d'être en réel à la radio. Et le Père Noël Espace est de retour dans le Morning et dans l'After School. Vous pouvez lui laisser vos coordonnées au 09 150 35 50 50. Et à 19h50, je vous propose de réécouter Louis qui avait gagné son cadeau l'année dernière. Allô? Oui, bonjour, comment ça va? Allô, allô, Louis, est-ce que tu m'entends? Allô? T'es bien aux Andelys, c'est ça? Oui. D'accord, rappelle-moi ton âge, s'il te plaît. 14 ans, donc t'es dans quel bahut aux Andelys? Rosa Park. Rosa Park, ça se passe bien là-bas? Ouais. Ouais, cool. Ouais, c'est cool. D'accord, très bien. Bon élève ou moyen ou élève bon, totalement. Ça va. D'accord, apparemment ça va plutôt bien. Là, dans la journée, t'avais genre quel cours hein? Oh, à peu près de tout. Genre? Bah, du français, du sport, de l'anglais, du stagio. Le truc qui te fait le plus kiffer sur ces matières-là aujourd'hui, c'est laquelle? Bah, le sport. Le sport. D'accord. Bon, mon Louis, t'as 14 ans, t'es aux Andelys, t'as été sélectionné ce matin par une des mains innocentes d'Espace, et puis le Père Noël de la plus normande des Picardes de radio t'offre une tour de son à coller dans ta pioule. Ah, cool. Voilà, cool, Bluetooth, machin, tranquille, tu fermes ta porte, tu mets le son que tu veux, tu gères, même très tôt le dimanche matin, c'est drôle, genre à 6h du mat. Ok, merci Espace. Passe de bonnes fêtes de fin d'année, et puis je te dis à très très très bientôt, tu viens la récupérer, on voit tout ça en antenne. Ok, merci. À bientôt. À bientôt. Salut. 17h-19h, Ludo à la radio. Espace. Souvent je mens pour aussi papillonner, me faire croire que les passants pourraient être tous intéressants. Je m'évente d'admiration, m'extase à l'addiction d'une phrase ou d'un jeté de sourire vite interprété. Souvent je mens pour faire croire à mon dedans qu'il vit démesurément et qu'il peut même plaire à plein temps avec juste un ou deux baisers que je chope à l'envolée. Je m'imagine des volcans qui inonderaient mes champs de plaies. Souvent je mens. Je m'excite pour tous les gens qui lancent des banales à temps comme ils lanceraient naturellement des sextos juste pour jouer avec très peu de finalité. Quant à moi, je tombe amoureux devant le paletant des gens fougueux. Souvent, je mens et je sais en faire des caisses assez lourdes apparemment, car elles pèsent tout comme elles restent pendant des semaines de galère où je rame à tout défaire, m'émanciper de ces affaires. Viens, regarde, je ne sais pas le faire. J'ai le cœur en dame, dame, dame. Je crois en tout ce qui gagne, comme, comme. J'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent. Comme si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. J'ai le cœur en dame, dame, dame. Chaque fois que je tombe croque, love, love, love. J'ai pas compris.

Déjà 19h57, que ça passe vite. Et le vendredi 28 décembre, j'aurai le plaisir de vous retrouver en direct avec Louis et Mickaël de 19h à 21h pour l'Open Show numéro 4, spécial fête de fin d'année. Et promis, le Père Noël sera avec nous et vous offrira des cadeaux. Voici les Kids United Last Christmas.